Va falloir mon gars, tué. Bonjour à ton bof. Salut de Benji. Encore un nouveau client sur Uber pour faire le bœuf. Allez, Dirty! À la batterie, c'est notre ami Dirty! Le Britannique. Une démonstration de mon nouveau jouet. Eh ben, c'est gratuit. C'est gentil, hein, le mec qui a fait ça, c'est gratuit. C'est Juno 106 en version VST. D'ailleurs, ceux qui sont